Nibigira. Eric Wimana sur la mise en onde. Merci, amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée, dont voici d'abord au sommaire. Après le décès lundi dernier du président de la République Pierre Nkurunziza, la radio Isanganiro vous fait part des messages de condoléances qui nous parviennent de la part des organisations syndicales et de la société civile, ainsi que des personnes à titre individuel. Vous en aurez les détails. Et le 15 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Qu'en est-il au Burundi? Vous l'entendrez. Et le message de l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de cette journée. 10 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 viennent d'être annoncés par le ministère de la Santé publique. Ce ministère, dans son communiqué paru ce lundi, informe également que 14 parmi les anciens patients ont reçu les billets de sortie. Vous avez également droit à la chronique sportive comme tout le lundi. Aujourd'hui, on revient sur la natation. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, les messages de condoléances continuent à nous parvenir après le décès du président Pierre Nkurunziza. Ces messages provenant des syndicats et des organisations de la société civile sont adressés au peuple burundais et au gouvernement burundais, ainsi que la famille présidentielle. Ornella Mucho a rassemblé ces messages. La Confédération des syndicats libres du Burundi, CSB, l'association Rainbow Mining Burundi, le Forum des organisations de producteurs agricoles du Burundi, FOPABU en sigle, l'association Lumière pour une Afrique paisible avec une jeunesse prospère, IST en sigle, ainsi que l'association New Development Vision, disent avoir accueilli avec tristesse le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza. La CSB dit reconnaître l'engagement de feu président à la promotion de la liberté syndicale, ainsi qu'au respect et droits fondamentaux en milieu de travail. L'IST avance que leur association sera toujours reconnaissante de la création de la Banque des jeunes faite par feu président Pierre Nkurunziza. L'association New Development Vision dit garder un bon exemple des actes de consolidation de la paix et de l'unité. Et quant au forum FOPABU, révèle que feu président a beaucoup contribué dans la promotion de l'agriculture et de l'élevage. Toutes ces associations et confédérations adressent leurs condoléances à la famille présidentielle ainsi qu'à la population burundaise en général. Merci, Ornella Mucho. Et également, ces messages de condoléances sont également adressés à la famille présidentielle, cette fois-ci de la part de la commission électorale provinciale indépendante à mairie de Bujumbura. Nous, les membres de la commission électorale provinciale indépendante, CEPI, en mairie de Bujumbura, nous adressons nos condoléances les plus attristées à tous les Burundais en général et à la famille biologique du défunt feu, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi en particulier, et déclarons que nous n'allons pas oublier les conseils qu'il nous prodiguait toujours pendant les séances de mobilisation qu'il n'a jamais cessé d'animer. Et le ministre de l'Intérieur annonce ce lundi la fin de la période de deuil national suite au décès du président de la République Pierre Nkurunziza. Dans un communiqué paru l'avant-midi de ce lundi, le ministre Pascal Barandagié a précisé toutefois que les drapeaux restaient toujours en berne jusqu'au jour de l'inhumation de feu président burundais Pierre Nkurunziza. Après une courte pause, page santé au rendez-vous. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h01 dans les cieux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Santé, comme je vous le disais tout à l'heure, le ministère de la Santé publique vient d'annoncer 10 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Selon le communiqué de son ministère sorti ce lundi, 14 personnes sur 32 qui étaient jusque-là sur le lit d'hôpital ne présentaient plus de virus et ont reçu les billets de sortie. Le même communiqué rassure que les patients restants sont sous suivi médical et appelle la population au respect des mesures préventives contre le COVID-19. Une personne a été tuée la nuit dernière à Mousseigny, en commune Mpanda de la province de Bubanza. Selon des témoins sur place à Mousseigny, sur la colline Gifurgwe, dans la localité communément appelée Mugihimbili, la victime, qui répond au nom d'Ondouayo, écoutait des chansons avec son poste récepteur dans son bistrot. Un policier s'est introduit dans son débit de boisson et a recommandé que la radio soit éteinte. La radio déjà éteinte, le policier a ordonné de lui donner le flash à disque utilisé. Ndouayo s'y est opposé, puis a été tué par balle et mort sur le champ, selon la même source. Au niveau de l'administration, l'on indique que le présumé auteur sera jugé en procès de flagrance. Le gouverneur de Bubanza précise qu'il a déjà contacté le procureur de la République à Bubanza sur ce cas. Et je vous l'avais dit en titre, c'est ce 15 juin que le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et des personnes âgées de la mairie de Bujumbura. Plaide pour l'assistance dans l'octroi de logements, des soins et des soins de santé. Ils se sont entretenus avec la radio Isanganiro justement à l'occasion de cette journée. Elle demande l'intervention de l'État et de toute âme charitable. Le moment montre que l'élément visiblement n'est pas pris. Aussitôt qu'il est pris, on va vous le balancer. Mais entre-temps, la réponse au COVID-19 doit être respectueuse des droits et de la dignité des personnes âgées. C'est la déclaration du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Selon Antonio Guterres, le récent rapport de l'ONU montre que la pandémie du COVID-19 entraîne pour les personnes âgées du monde entier des souffrances et la mortalité chez les octogénaires dépasse 5 fois plus que la moyenne mondiale, regrette cette haute autorité onusienne. Suivez Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies. Il est traduit en français par Fidel d'Antoine Sabiman. The fatality rate for older people is higher overall, and for those over 80, it is 5 times the global. Le taux de mortalité des personnes âgées est globalement supérieur, mais pour celles âgées de plus de 80 ans, il dépasse de 5 fois la moyenne mondiale. En plus des conséquences sanitaires immédiates, la pandémie expose les personnes âgées à un risque accru de pauvreté, de discrimination et d'isolement. Il est probable qu'il s'avère particulièrement sévère pour les personnes âgées des pays en développement. Étant moi-même âgé et responsable d'une mère plus âgée encore, je suis profondément préoccupé par la pandémie et par ses effets sur nos communautés et nos sociétés. Aujourd'hui, nous publions un rapport qui présente des analyses et des recommandations destinées à surmonter cette situation. Notre réponse au COVID-19 doit être respectueuse des droits et de la dignité des personnes âgées. Les personnes âgées ont les mêmes droits à la vie et à la santé que les autres. Pour les questions difficiles de vie ou de mort, les dilemmes thérapeutiques doivent être tranchés dans le respect des droits humains et de la dignité de chacune et chacun. Deuxièmement, malgré l'importance de la distanciation physique, il faut nous rappeler que dans la grande famille humaine, nous sommes tous tributaires les uns des autres. Il nous faut redoubler de sollicitude et d'ingéniosité pour garder le lien avec les personnes âgées grâce aux technologies numériques. Toutes les mesures sociales, économiques et humanitaires, couverture et santé universelle, travail décent ou retraite, doivent prendre pleinement en compte les besoins des personnes âgées. La majorité des personnes âgées sont des femmes. Or, ce sont elles qui, à ce nouveau stade de leur vie, courent le plus grand risque de pauvreté et d'absence d'accès aux soins de santé. Il faut des politiques ciblées qui répondent à leurs besoins. Quatrièmement, ne faisons pas comme si les personnes âgées étaient invisibles ou faibles. Les personnes âgées sont nombreuses à gagner leur vie, mènent des vies professionnelles et familiales et s'affairent à acquérir et transmettre leur savoir et à prendre soin des autres. Leur voix et leurs conseils comptent. Cette pandémie ne sera vaincue que par un élan de solidarité mondiale et nationale où toute contribution est la bienvenue, notamment la leur. Alors que nous cherchons à sortir de la crise avec audace et clairvoyance, sachons construire des sociétés inclusives, durables, adaptées au vieillissement et prêtes à affronter l'avenir. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et nous devons cet élément sonore à nos confrères du site web de l'ONU. En page agriculture, à présent, certaines semences vivrières comme les colocas, les ignames et les légumes sont en voie de disparition progressive au Burundi. Constat de Jean-Claude Wigirimana, responsable de l'unité conservation des ressources polyphylogénétiques à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou en sigle. Ce chercheur de l'Isabou explique que cela est dû au désintéressement des cultivateurs. Suivez Jean-Claude Wigirimana. Nous avons constaté qu'il y a d'autres cultures qui ne sont pas à graines et qui servaient de la sécurité alimentaire pour le pays, mais qui ont disparu progressivement. Là, nous citerons les ignames, colocas, le topinambour, il y a ce qu'on appelle les hof, amatougou, et d'autres cultures légumières qui étaient aussi convoitées parce qu'avaient une utilité sur le plan sanitaire. Parmi cette liste de plantes, nous avons collecté donc les restes des colocas, d'ignames et de topinambour, ainsi de suite. Nous avons constaté que le pays avait perdu et était au point de perdre toute une liste de différentes variétés. On a constaté qu'on avait 7 variétés de colocas et plus de 8 variétés d'igname. Parmi ces plantes qui sont disparues, nous avons un programme ici qui est chargé de la conservation des ressources phytogénétiques qui s'est fait des missions de collecter les restes. Donc, c'est ce qu'on appelle le germoplasme. On capte, on échantillonne dans différents coins du pays et on rassemble un peu de germoplasme que l'on traite et puis on conserve sur deux aspects. Donc la conservation à moyen terme qui va de 15 ans à 30 ans, mais aussi la conservation à long terme. C'est au-delà de 30 ans jusqu'à 100 ans. Sur ces plantes-là qui avaient disparu, nous avons assis cette stratégie de les collecter et les conserver. Depuis 2007, nous avons promis la production en grande quantité de semences de pois cajas et de niébé. Vous ratez l'essentiel. Actualité internationale. En actualité internationale, 10 nouvelles zones résidentielles de Pékin, la capitale chinoise, sont mises en quarantaine suite au dénombrement de 36 nouveaux cas. Dans cette ville, au Mali, deux casques bleus de la MINUSCA ont été tués. Samedi, par un groupe armé dans le nord en Europe, 4 pays rétablissent ce lundi la libre circulation entre leurs territoires et l'Union européenne. Mireille Kanyangé. Ces pays, c'est la France, l'Allemagne, la Belgique et la Grèce. Pour l'Autriche, écrit la RFI, ce sera ce mardi. Selon toujours ce site, l'Italie a déjà levé les restrictions de circulation à sa frontière le 3 juin. Et plus récemment, c'était la Croatie et la Pologne. Le Danemark, lui, ne s'ouvre pour l'instant qu'aux voyageurs venant d'Allemagne, de Norvège ou d'Islande. Quant à la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui partage avec elle l'espace Schengen de libre circulation, ne rouvre ses frontières qu'aux voyageurs des autres pays nordiques sauf la Suède. Pour l'Espagne, elle rouvre ses frontières avec les pays européens le 21 juin, en avance sur la date initialement prévue le 1er juillet. Et le Portugal vise le 1er juillet pour lever les restrictions de circulation avec les autres pays européens. En Chine, 10 nouvelles zones résidentielles ont été placées en quarantaine à Pékin, a annoncé ce lundi 15 juin la maire de Pékin, alors que la capitale chinoise a dénombré hier 36 nouveaux cas de coronavirus. Les contrôles dans le secteur alimentaire, écrit la RFI, ont été renforcés depuis la découverte d'un nouveau foyer de contamination sur l'un des plus importants marchés agricoles de la ville. L'autre nouvelle à la une, c'est la chef de la police d'Atlanta aux États-Unis qui démissionne après qu'un policier a mortellement blessé un noir américain vendredi. La chef de la police dirigeait la police d'Atlanta depuis plus de 20 ans. C'est une nouvelle affaire qui alimente la colère des manifestants aux États-Unis, tandis que la mobilisation contre le racisme s'est poursuivie hier à travers le monde. Des manifestations qui se poursuivent après la mort du noir américain George Floyd. Et selon le site de BBC Afrique, deux casques bleus de nationalité égyptienne ont été tués samedi 13 juin dans le nord du Mali par des hommes armés non identifié. Radio Isanganiro, chronique sport. La natation est un sport pratiqué dans les piscines et de six façons différentes. C'est l'explication du président de la Fédération burundaise de natation. Cassien Bassogomba fait savoir que lors des compétitions, les tenues des nageurs sont variées selon le genre, masculin ou féminin. Les détails dans cette chronique sportive, rediffusée mais préparée par Isne Bariko. Le sport de natation se pratique en se mouvant dans l'eau et le gagnant est celui qui arrive en premier. C'est l'explication de Cassien Bassogomba, président de la Fédération burundaise de natation. On peut entendre le sport de natation comme un sport pratiqué en se mouvant dans l'eau par des courses dans l'eau. C'est le meilleur qui court vite qui gagne en natation. Là, c'est la natation qu'on pratique dans la piscine et dans les lacs. Ce président de la Fédération burundaise de natation fait savoir que cette discipline se pratique de six façons différentes. Au niveau international, déjà, il y a six épreuves. Il y a les plongeons, les nages synchronisés, là on danse, les jeux de balle appelés water polo. Actuellement, ici, on pratique trois disciplines, à savoir la natation dans la piscine, la natation dans la rivière. Aussi, on vient de commencer le water polo. Les tenues des nageurs varient selon le genre, d'après toujours Cassien Bassogomba. Les tenues du nageur, des compétiteurs, varient selon le sexe. Pour les hommes, ils portent des maillots appropriés aux hommes et les dames aussi ont des maillots pour elles qui consistent à un collant qui arrive à couvrir le ventre et la poitrine. Là, avec des lunettes, deux fois des bonnets qui restent facultatifs. Il explique que lors des compétitions, les arbitres sont nombreux et que chaque arbitre a des fonctions qui lui sont propres. Chaque discipline a ses juges. La natation à la piscine a ses propres juges, ses officiels. Vous avez constaté lors de nos compétitions qu'il y a des juges qui surveillent le style de nage. Il y a ceux qui s'occupent du virage, il y a ceux qui s'occupent de l'arrivée, de comptage de tours. En plus de cela, il y a l'arbitre principal et d'autres officiels. Chaque discipline a ses juges, sont formés comme dans d'autres sports. Dans la prochaine chronique sportive, Cassien Bassogomba expliquera l'état des lieux de la natation au Burundi et les défis auxquels font face les pratiquants de ce sport. Merci Snebariko. Avant de clôturer cette édition, revenons sur l'élément rapport avec l'agriculture. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage compte sensibiliser les investisseurs privés afin d'instaurer des centres de multiplication de semences dans chaque province. Le ministre Deogi Derulema a indiqué que selon les spécificités régionales, cela permettra d'avoir des semences de qualité. Il s'est exprimé lors d'une récente descente effectuée par son ministre à l'intérieur du pays, Charles Makoto. Entre 15 et 18 tonnes de pommes de terre était la production attendue dans différents centres semenciers situés dans les communes Kabarole et Muruta de la province de Kayanza. Plus de 120 hectares sont exploités pour la multiplication des semences, comme l'indique le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Ici, la surface cultivée équivaut à 25 hectares. Il y a trois variétés de pommes de terre, à savoir Victoria, plantée sur 4 hectares, la variété Dindamagara est plantée sur 19 hectares et une autre variété connue sous le nom de Kirundo qui est en essai plantée sur 2 hectares. Le ministre en charge de l'agriculture indique qu'il envisage sensibiliser les investisseurs privés dans le but d'avoir des centres semenciers dans chaque province. La multiplication des semences exige la rotation, explique le ministre Deogi Derulema, qui fait savoir que cette alternance s'effectue sur 3 et 4 ans. Quant au fait que ces champs se trouvent dans la forêt naturelle de Kibira, le ministre dit qu'il ne s'agit pas de la destruction de l'environnement. À côté des 60 hectares exploités par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Izabu, au centre semencier de Mahoro, en commune Kabarole, 61 hectares sont exploités par la population regroupée en coopérative sur la colline Tondero, en commune Muruta. Merci, cher Remakot. On pouvait également revenir sur l'élément en rapport avec les personnes âgées de la mairie de Bujumbura qui plaident pour l'assistance dans l'octroi de logements décents et de soins de santé. Mais il y a le temps qui nous fait défaut. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimane, Akira Mizanon, Deli, Nibel, Nibigla. J'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.